parmi tous les peuples. Les Noirs sont les plus exagérés, à l'heure de se rabaisser jusqu'à des extrêmes humiliants, en présence de leur roi. Pour commencer, ils invoquent toujours son nom et s'exclament « Massa, roi des rois, Suleiman qui ?» Quand un sujet est réclamé par le sultan, il se dépouille de ses vêtements. Il se met 4 haillons par-dessus et change son turban pour un bout de ruban sale. Il se dirige ainsi vers son souverain, en chiffonnant ses haillons et en retroussant son sarouel à moitié jambe. Il avance peu à peu, à genoux, dans une attitude de totale soumission. Il frappe le sol de ses coudes avec force, comme s'il se prosternait pour la prière. Et c'est ainsi qu'il écoute ce que dit le sultan. Si quelqu'un adresse la parole au sultan et obtient l'honneur d'une réponse immédiate, il se défait de ses haillons, se jette de la terre sur la tête et le dos, comme s'il se lavait avec de l'eau. Ce qui me surprenait le plus, c'est qu'aucun ne restait aveugle dans ce nuage de poussière.